quatre pas derrière la porte. Sans soupir, sans respirer, installez-vous dans le canapé. Chantez-vous ces rêves de chlore. Des hommes et des femmes pour s'aimer, un homme ou une femme égaré voudrait se rencontrer, se rencontrer. On se balade dans nos corps et on ne se parle pas. L'anticyclone des Açores nous réchauffe quand on est saoul. Des hommes et des femmes pour s'aimer, un homme ou une femme égaré voudrait se rencontrer, se rencontrer. Un beau jour, tu t'en vas, tu pars.